Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 8e émission, nous avons le plaisir d'accueillir nos confrères de Méridien Zéro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Méridien Zéro est une web radio accessible sur le site www.meridien-zero.com et issue du mouvement d'action sociale Le MAS. Nous en parlerons tout de suite. Alors Méridien Zéro est avant tout un collectif duquel nous accueillons aujourd'hui deux membres, Wilsdorf et Gérard Vaudan. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes tous deux animateurs de Méridien Zéro, membres du MAS. Merci d'avoir accepté notre invitation dans nos modestes locaux. Modeste. C'est beau, c'est grand, c'est chaleureux, on y est bien quand même. À chacun sa vision de la modestie. Alors chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Wilsdorf, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bonjour. Wilsdorf et Gérard, ma première question, Méridien Zéro, pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, vaste débat, sujet Méridien Zéro, en fait ça fait référence directement à Ernst Jünger, hein, l'écrivain allemand, qui est une référence pour nous, puisque tout le mouvement nationaliste révolutionnaire est une source d'inspiration, politiquement parlant. Alors ce terme en fait est évoqué par Jünger dans une correspondance qu'il a avec le philosophe Heidegger. Et Jünger fait allusion à ce qu'il appelle le franchissement de la ligne, ce méridien zéro. Le zéro indiquant le néant, le vide, et ce dépassement nécessaire de ce néant et du vide. Et Heidegger d'ailleurs souscrit tout à fait à cette vision que peut avoir Jünger. Et en fait, c'est un constat qui dit notamment qu'il faut demeurer debout dans le tourbillon du nihilisme. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous l'avoue, Wilsdorf, j'ai trouvé ça assez joli. Mais effectivement, on pourrait aussi transcrire ça par le passage du Rubicon et finalement l'envie de reconstruire ou de construire tout simplement quelque chose de nouveau. Donc le dépassement de soi et puis s'arracher un petit peu à la médiocrité de l'existence, c'est aussi une des raisons d'être de Méridien Zéro, c'est de proposer, un peu comme vous le faites aussi d'ailleurs, une autre vision du monde, une analyse politique, des outils de décryptage de l'actualité, enfin voilà, tout ça, on va en parler peut-être un peu plus. D'accord, et donc justement, le Méridien Zéro est issu, donc je l'ai dit, du mouvement d'action sociale. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Alors, le mouvement d'action sociale, en fait, l'inspiration première, donc on est dans une logique métapolitique qui se veut un peu, au même titre que le Méridien Zéro, un dépassement du simple fait politique classique. Le mouvement d'action sociale, en fait, c'est un collectif, un peu comme Méridien Zéro, où on va retrouver dans cette logique métapolitique différentes structures qui sont proposées aux militants, ou futurs militants. Ça va aller de la radio, qui est un peu le porte-parole, la voix première du mouvement, en passant par Solidarité Populaire, qui est un mouvement caritatif, on peut le présenter comme ça. Oui, absolument. Effectivement, Solidarité Populaire, l'objectif d'une des associations du réseau MAS, finalement, parce qu'aujourd'hui, on a élargi avec la notion de réseau. Solidarité Populaire vient en aide aux plus démunis de nos compatriotes. Voilà, donc tout un tas d'actions qui vont avec. On a également dans le réseau, puisque le MAS, le mouvement d'action sociale, c'est ce fameux réseau MAS, on a des groupes de randonnée, les groupes traces qui sont dispatchés sur l'ensemble du territoire. On a également une association sportive qui s'appelle la BAF Lutétienne qui fonctionne sur Paris, qui donne des cours de BAF. Viens prendre ta loche à Lutèce, hein, comme qui dirait l'autre. Et puis on a également, puisque Wilsdorf parlait de métapolitique, et donc derrière on sous-entend combat culturel, combat des idées, on a également deux maisons d'édition, donc les Amis du Livre Européen, et puis les éditions du Rubicon. Voilà, donc d'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais derrière Vincent et Xavier, j'ai une belle bibliothèque avec tout un tas de titres de chez nos camarades de contre-culture. Et donc, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque le dernier auteur que nous avons publié aux éditions du Rubicon, c'est Julien Langelas pour La Jeunesse au Pouvoir, et il est également distribué chez nos camarades de contre-culture. Voilà, donc pour reprendre le propos Métapolitique, donc maison d'édition, groupe sportif, groupe de randonnée, club de boxe, association caritative, effectivement, entre guillemets ou pas d'ailleurs, et puis un mouvement politique autour de tout ça, le mouvement d'action sociale, avec une ligne assez claire, hein, effectivement, à tendance... sociale importante, puisque notre premier slogan, notre triptyque de combat initial, puisque nous sommes nés en 2009, c'est la solidarité nationale, le combat social et la radicalité qui va autour de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment... oui, Xavier, excusez-moi. Et en termes d'effectifs, que représente le réseau MAS ? Alors, en termes d'effectifs, bah, nous approchons, on n'est pas loin de la centaine de millions, là, Wilsdorf. Hein. Je pense que c'était même un petit minimum, peu en dessous, un petit peu en dessous de la non, plaisanterie mise à part. D'abord, je ne donnerai pas de chiffres ici, parce que ça, les chiffres n'ont pas, à mon avis, de sens. Ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte cette notion de réseau et de voir cette représentation dans les différentes régions des différentes associations. C'est-à-dire que les militants sont des militants actifs, sont des militants qui se retrouvent en fonction de leurs compétences propres et de leurs envies dans les différentes structures du réseau. Voilà. D'accord, on a vu sur votre site qu'effectivement vos militants des régions proposent eux-mêmes aussi des émissions. Oui, alors ça c'est un des objectifs pour Méridien Zéro important, nécessaire aussi, de pouvoir développer, délocaliser en quelque sorte les émissions de manière à donner la parole à nos militants en région, puisque on n'est pas du tout dans une logique centralisatrice, bien au contraire. Et afin de pouvoir rencontrer au quotidien des gens qui partagent ou qui ne partagent pas d'ailleurs, dans un souci d'échange, de façon plus locale. Là aujourd'hui, on a effectivement dans le Nord, autour du cercle non conforme, des gens qui sont particulièrement actifs et qui nous proposent des émissions. Cette logique-là a vocation à se développer. C'est un des axes de travail importants pour nous. On est également aujourd'hui dans l'Est, toute la région alsacienne avec Vendest. Alors, Wilsdorf, je vous coupe, mais parce que ça me semble important, Vincent. Mm-hmm. Déjà, pour mon propos, pour répondre à Xavier tout à l'heure, j'ai oublié dans notre réseau les camarades du Nord avec effectivement le fameux cercle non conforme, donc à la fois un blog de réinformation et puis des organisateurs de conférences. Ça aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis, ce que disait Wilsdorf, j'en ai perdu le fil d'ailleurs, c'est marrant, je rebondis et j'oublie ce que je disais. En région aujourd'hui, nous sommes présents quasiment, en fait c'est un maillage, principe du réseau, nous sommes présents quasiment partout dans France, avec des effectifs plus ou moins importants, mais qui permet justement d'ancrer cette logique du réseau et de développer ce travail de métapolitique. Qui peut passer par les émissions de radio, mais qui peut être aussi, dans le cadre de séances de formation... Oui, bah, Gérard, vous avez retrouvé votre fil. J'ai retrouvé mon propos, Wilsdorf, c'est terrible. C'est qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, évoqué Vendest pour la partie Méridien Zéro, parce que Méridien Zéro, sur la web radio donc, que nous développons, qui est en fait à l'origine une émission de radio sur Radio Bandera Nera, la radio de Casa Pound, donc pour nous ce n'est qu'un support, certes. Mouvement Casa Pound, mouvement italien. Voilà. Mm-hmm. Et derrière, nous accueillons sur notre site Méridien Zéro d'autres camarades qui ne sont pas forcément des militants du MAS, parce Absolument. Que nous avons les camarades d'Orage d'Acier, donc qui doivent être à leur quatrième, cinquième émission, là, la cinquième devrait sortir dimanche. Qui ne sont pas forcément des militants du MAS, mais qui sont des militants d'ailleurs d'autres structures, mais avec qui nous partageons un certain nombre de choses. Ce qui explique aussi notre présence ici chez vous, c'est-à-dire qu'on arrive à faire fonctionner cette notion de travail en synergie, de travail entre structures. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on est d'accord sur un minimum de choses et on pense qu'on a un travail en commun à faire sans avoir l'appel à l'unité derrière, ouais. Avec tous derrière le même fanion. Non mais c'est important parce que nous sommes différents, nous apportons différents points de vue, ce sont différents aspects du combat finalement. Il n'y a pas de logique de doxa chez nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Méridien Zéro se veut un carrefour et une structure qui peut accueillir des gens qui ont des choses à dire, avec les lesquels nous sommes bon, globalement d'accord, mais avec qui nous pouvons avoir des points de différence de manière ponctuelle, qui fait que les gens de Vendeste travaillent avec nous, mais ne sont pas forcément tous des militants du MAS. Bon, les gens du Cercle Conforme, oui, puisque ça, c'est, ouais, c'est le MAS en province, mais les gens d'Orage d'Acier viennent d'horizons différents. Et c'est ça aussi, c'est un principe métapolitique, je pense, bien évidemment. Et on ne veut pas se laisser enfermer dans un principe idéologique, parce que ça aussi, ça fait partie des choses contre lesquelles nous nous battons. D'accord. Alors justement, parlons un peu, s'il vous plaît, de ce qui nous rapproche et également de ce qui nous différencie. Donc vous connaissez la ligne d'égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs. Mmh. Vous, quel est le projet de société que vous défendez exactement? Quelle est votre ligne? Bonne question, ça. Oui. Bonne question. On répond comment, là? On est parti pour 2 heures, Wilsdorf? C'est possible, ça, oui, c'est tout à fait possible. Vous parliez de la Casapande, je crois que alors, au sein du MAS, il y a une dimension européenne. Voilà, nous, notre socle à nous, au-delà du concept de nation, qui pour nous est un concept un petit peu dépassé, éculé, on a cette logique beaucoup plus européenne, qui là aussi nous rapproche de la logique politique qui a été développée, entre autres, par les nationalistes révolutionnaires dans les années 20. La dimension sociale, mais ça, voilà, on n'est pas les seuls à l'avoir aussi, mais c'est quelque chose de fondamental pour nous. Casapound, pourquoi? Tout simplement parce que Casapound, au début, je refais un petit peu un retour en arrière, nous a permis de diffuser nos émissions, tout simplement. Pour nous, c'était, ce sont des camarades, d'une part, et ensuite, le combat de Casapound était aussi notre combat, quelque part, dans une logique européenne qui veut que nous ayons tous, en tant que camarades et qui partageons des valeurs communes, la même logique et les mêmes objectifs. Donc, Méridien Zéro, c'était l'expression française de Radio Banderanera. Cette facilité, c'était aussi un point de repère pour nous, et c'était aussi une logique de convergence avec des gens qui sont des camarades, des amis. Voilà. Aujourd'hui, Radio Banderanera, on est toujours dans cette même logique, mais je dirais que d'une certaine manière, Méridien Zéro vole de ses propres ailes, a acquis une certaine autonomie et une certaine logique de fonctionnement qui lui permet, comment dirais-je, d'avoir une existence propre, voilà. Politiquement, après, c'est vrai que nous, l'Europe, c'est quelque chose de fondamental. Nous sommes dans une logique civilisationnelle. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un véritable dépassement de ce qui a fait la politique dans les mouvements nationalistes pendant de longues années en France, qui le fait encore, mais voilà. On essaie de trouver et de s'inspirer d'auteurs, notamment, mais aussi de mouvements en Europe qui puissent permettre de dépasser le simple fait national et de se positionner dans une logique civilisationnelle et culturelle. Sans pour autant vous reconnaître dans ce que certains appelleraient les Occidentaux. Alors, d'autant plus que, enfin, pour moi, l'Occident, c'est pas l'Europe, l'Europe, c'est pas l'Occident. Hein. C'est extrêmement important. Quand Wilsdorf dit qu'effectivement, on a dépassé, en gros, je vais être un petit peu plus grossier, mais on a dépassé le nationalisme à papa, et on est passé à autre chose. C'est-à-dire que, pour revenir et pour reparler à la fois de Casapande, et d'autres mouvements, parce que le MAS naît en 2009, mais il naît d'un constat fait par une quinzaine à l'origine de militants qui ont plutôt 35-40 ans et qui ont un peu bourlingué dans un certain nombre de structures. Et à un moment, on se réunit et on se dit, bon bah voilà, à chaque fois qu'on y est allé, putain, on n'est pas sorti vainqueur, quoi. Donc, différentes expériences politiques, alors différents parcours, différentes personnalités aussi, et tous ensemble, on se dit à un moment, on a envie de construire quelque chose de différent. Voilà, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément dans ce qu'il y a aujourd'hui, et puis, à un moment, on se dit quand même qu'il doit y avoir des types à droite à gauche sur 65 millions de pingouins, et bah, il doit bien y en avoir quelques-uns qui sont comme nous et qui pensent comme nous. Bon. Alors on a fait un peu de benchmarking. Bon, on n'est pas sur Radio Courtoisie, donc je peux balancer le benchmark, ça marche. Allez-y. Et je mets pas un euro dans le cochon. Non plus. Ouais. Et donc, 2007-2008, on va se promener à droite à gauche, on va en Allemagne, on va en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et voilà, bon, et par différents moyens, on contacte tous ces mouvements, on va voir chez eux ce qu'ils font, etc. Et on prend ce qui nous plaît à droite à gauche, quoi. Et de tout ça, enfin, c'est presque plus à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Et derrière, on crée en 2009 le mouvement d'action sociale. Cela étant, le mouvement d'action sociale, c'est pas le Casapound à la française, hein, parce que l'avantage de notre tour d'Europe, c'est de pouvoir à un moment se dire tiens, ça c'est bien. Par contre, le copier-coller, on met en place en France, ça n'a pas de sens. Nous sommes différents. Le système politique, le système judiciaire, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est une inspiration. Donc derrière tout ça, une idée force aussi, et une idée forte, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire que, au-delà du chiffre pour le chiffre, pour rebondir un peu sur la question de Xavier de tout à l'heure, il y a la notion de communauté. C'est-à-dire que tout le monde prend pas sa carte au MAS, et puis j'ai envie de dire, il faut vraiment s'y retrouver. Donc, la qualité plus que la quantité. Alors, oui, on peut voir ça comme ça. On peut aussi voir ça comme ça. Le principe de communauté est vraiment fondamental. En fait, ça part d'un constat simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le fait politique en France n'a pas de sens et n'a aucun intérêt. Comme le disait Gérard, on a des gens qui viennent de milieux très très différents. On a des gens qui viennent de l'ultra-gauche, on a des gens qui viennent de la droite, nationale. Droite nationale, il y a des gens qui viennent de l'Action française, il y a des gens qui... Aujourd'hui, qui se retrouvent sur un constat simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui le militantisme a évolué et que dans un système verrouillé comme celui dans lequel nous vivons, il faut trouver des moyens d'expression et surtout pouvoir entretenir et développer ce socle d'idées, ce socle culturel et civilisationnel qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et avant tout des Européens, et de transmettre ça à nos enfants, mais aussi de faire valoir ce socle-là d'un point de vue pratique. Donc le MAS n'a pas vocation à se présenter aux élections, le MAS n'a pas vocation à soutenir officiellement tel ou tel mouvement politique. Le MAS, c'est le MAS, et les militants du MAS, aujourd'hui, on est dans cette logique communautaire qui vise à développer et à entretenir ce qui fait notre socle, notre patrimoine politique et civilisationnel. Alors j'aimerais que vous définissiez votre Europe. Alors, est-ce que c'est l'Europe de Daniel Cohn-Bendit? Est-ce que c'est l'Eurasie de Dugin? L'Eurasie de Dugin, non, clairement non, parce que d'abord, parce que l'Eurasie, déjà, c'est déjà plus l'Europe. Ensuite, pas pour nous, en tous les cas. En tout cas pour nous, voilà. Donc nous, dans notre, après, pour moi, l'Eurasie, c'est aussi beaucoup plus un concept esthétique qu'autre chose. Donc politiquement, ça nous parle pas à nous. Ça parle peut-être à un Russe, probablement d'ailleurs. Ça parle à des gens des pays de l'Est. Mais nous, aujourd'hui, on est. Alors après, la pensée de Dugin peut être intéressante. Il y a des choses certainement, voilà. Mais nous, c'est pas du tout notre vision. Politiquement, le MAS, clairement, s'il y avait un socle à retrouver, ce serait celui du Grèce des années 70-80. Le mouvement d'Alain de Benoist. Voilà, beaucoup de cadres chez nous ont été formés à cette école-là. Mais pas seulement, c'est là où on va retrouver toutes ces inspirations autour de Benoist, autour de gens comme Jean-Claude Vallat, autour de ces premiers numéros que furent la revue Élément, Nouvelle École et tout ça. Donc là, cette vision européenne, culturelle et civilisationnelle, qui permet aujourd'hui... Il y avait aussi une spiritualité bien particulière, qui était le paganisme en Europe, donc la valorisation... De tout ce corpus et toute cette logique de cette spiritualité qui fait que l'individu européen est ce qu'il est aussi, et ça il y avait aussi cette ce qui n'empêche que nous au MAS aussi on a des gens qui sont pas forcément tous des païens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que nous on a décidé de faire de la politique, donc si on fait de la politique on fait pas de spirituel, enfin je veux dire, ça n'empêche pas que tout un chacun a une spiritualité ou pas d'ailleurs, puisque dans nos militants il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont effectivement païens. J'ai envie de dire que peu m'importe, il y a la notion de vie privée et dans laquelle, à mon avis, doit être intégrée ou est intégrée la spiritualité, et il y a le combat politique. Disons que si on voulait véritablement poser un socle, ce serait celui-là. Voilà. Après, ils viennent se greffer là-dessus. Voilà. Nous, les auteurs de référence, ce sont des gens comme Dominique Vénère, des gens comme ça, où on va retrouver effectivement... un petit peu un corpus d'idées qui nous est propre et qui nous est cher, ça c'est une évidence. Avec, je voulais revenir sur la notion d'Europe, d'Occident, etc. Et peut-être l'affiner quelque peu, on est aussi sur la logique de fonctionnement, quand on parle d'Europe en tous les cas, des trois patries, quoi. Enfin des patries charnelles. C'est-à-dire que je suis breton, français et européen. Donc cette logique de fonctionnement elle est là, c'est-à-dire que on a des sensibilités et des expériences différentes, on est tous issus d'un endroit ou un autre à l'intérieur de cette grande Europe. Alors effectivement on la voit plus de Brest à Vladivostok, comme qui dirait l'autre, que jusqu'à Pékin, quoi. Sachant que cette notion de d'Europe aujourd'hui, elle n'est pas contradictoire enfin comme on le voit, hein, vous m'arrêtez au Wilsdorf si je me trompe, mais elle n'est pas contradictoire avec le fait de se sentir français. C'est-à-dire que, voilà, pour autant, le nationalisme à papa de la France contre tous, c'est pas notre truc quand même, quoi. D'accord, mais est-ce que cette notion d'Europe est fonctionnelle du point de vue du combat politique? L'Europe, c'est pas la CE, on est bien d'accord. L'Europe, c'est pas l'Union Européenne, etc. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'elle est fonctionnelle. Elle est à plus d'un titre. Récemment, nous avons reçu Ferenc Elmassi, qui est un des responsables d'un mouvement national en Hongrie. Nous avons des contacts étroits avec différents mouvements nationalistes, alors qu'on n'est pas forcément tous issus du même moule, mais il n'empêche que oui, cette Europe-là, elle existe. Enfin, c'est l'Europe des régions, c'est l'Europe culturellement, nous partageons des valeurs communes, et c'est ça qui nous rapproche, c'est ça qui est important. Et le dépassement de l'Europe à papa ou de la droite de papa, telle qu'on pouvait l'avoir autrefois, c'est aujourd'hui de faire valoriser ce socle-là, et qu'aujourd'hui nous soyons en capacité de proposer politiquement une alternative sociale, culturelle et civilisationnelle. Parce qu'aujourd'hui, avec le problème des migrants ou la casse sociale généralisée qu'on peut connaître en Europe, il y a des combats qui nous attendent, et voilà, on est dans cette logique-là, il faut être prêt à pouvoir affronter les défis qui nous attendent. Mais clairement, aujourd'hui, nous, le principe civilisationnel est plus important que le reste. Voilà. Et pensez-vous justement que cette civilisation européenne est aujourd'hui en danger de mort ? Oui, complètement. C'est une évidence. Et elle l'est depuis bien longtemps. On n'est pas non plus, nous ne sommes pas non plus des naïfs ou des idéalistes. Je veux dire, c'est aussi en ça que la logique de communauté est importante, parce qu'elle nous permet d'essayer de préserver ce qui est encore à préserver. Moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça, par rapport à nos enfants, par rapport aux générations à venir, et ainsi de suite. Au travers de ces auteurs, il n'y a qu'à voir les engagements politiques qu'on a pu avoir. Je parlais de Dominique Vénère, on pourrait parler de Jean Mabir, qui est une influence forte pour nous. Voilà, et je crois que ce dépassement est nécessaire. Les clichés, les clivages anciens ont vécu, en tout cas politiquement parlant, et il faut proposer une alternative qui soit beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Le problème des migrants va en être certainement la pierre d'angle. Voilà, très clairement. Après, par rapport... Alors, on peut peut-être parler un petit peu de ce qui peut nous différencier aussi. C'est-à-dire que nous, on a une logique... dans cette logique civilisationnelle, fait que... une logique plus communautaire, on pourrait dire. Plus communautaire, mais quelque chose qui s'exprime... comment dirais-je, sur la durée, au sens où tous les apports qui ont... En rejetant cette idée de nation un petit peu à l'ancienne, pour nous, la nation n'a pas vocation à intégrer. Mmh. La nation, elle se suffit à elle-même, puisque culturellement et civilisationnellement, en Europe, il y a la matrice. Donc vous rejetez, par exemple, si on parle des points de divergence, la logique d'assimilation. Complètement. Oui, effectivement. C'est un point sur lequel on n'est pas spécialement d'accord. Est-ce que vous pouvez détailler Alors, Gérard, mon ami. Est-ce qu'on peut détailler détailler, oui. Enfin, cela étant, ça me paraît somme toute assez simple. On a eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de choses. Alors, on a aussi parmi nos animateurs l'ami Eugène Crampon, hein, qui a été, enfin qui s'occupe de réfléchir et agir. Je me souviens d'avoir fait une interview d'Alain Soral avec lui, par exemple. Bon, effectivement, là où on, donc je renvoie vos auditeurs à ce fameux numéro de Réfléchir et Agir, dans lequel on trouve l'interview d'Alain Soral, et est abordé notamment les points de divergence qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je me souviens qu'on avait évoqué tout ce qui était dom-tom, Antilles, etc. Bon, voilà, moi je pense à un moment que les peuples doivent être libres. Or, typiquement, je pense que les Antillais ont le droit d'avoir à eux les Antilles. La France, c'est la France, à 15 000 km de là, à l'autre bout de la Terre, en plein milieu d'un océan, c'est pas forcément la France pour moi. La logique coloniale, c'est pas notre logique à nous, clairement. Voilà. Oui, puis vous pensez comme Bernard Lugan, qu'un Africain n'est pas un Européen à la peau noire. C'est évident. Alors, c'est exactement ça. D'ailleurs, Bernard Lugan est effectivement... C'est une reconnaissance de l'altérité. Mais cette altérité complètement. Aujourd'hui, cette altérité, nous, on la revendique. Différentialisme. Oui, on le revendique clairement, parce que je pense que c'est une richesse, alors qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est un handicap. Parce qu'en fait, l'assimilation telle qu'on nous la présente, c'est un véritable danger, puisqu'en fait, c'est la logique mondialiste qui veut qu'on déstructure toute forme d'individualité au profit d'une logique consumériste qui fait que l'individu n'existe plus par lui-même, mais uniquement par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il achète, ce qu'il consomme. D'une logique marchande, on irait vers une société métissée. Absolument. L'équipe du FC Barcelone, on voit que des métisses avec tous la même, avec des coupes d'Iroquois. Et aujourd'hui, on nous présente ça comme la quintessence du bonheur. Alors qu'en fait, je pense que c'est véritablement la quintessence de la perversité. Aujourd'hui, nous avons besoin de revendiquer ce que nous sommes. Alors, on n'est pas non plus, on n'est pas des ethnicistes au sens où on va vous dire que non, le Breton, l'Alsacien. Nous, c'est cette logique européenne qui est importante. Et je pense que chacun a besoin de pouvoir s'exprimer dans un contexte qui est donné. Nous, aujourd'hui, nous avons des camarades du MAS qui vivent au Maghreb. Le camarade KM que nous saluons s'il nous écoute est véritablement l'incarnation de ces gens qui sont repartis vivre chez eux parce qu'ils avaient cette volonté de faire valoir ce qui était eux leur socle culturel. Alors, et civilisationnel. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le fait de ne pas être pour l'assimilation, etc., derrière il y a une vision politique à la fois, c'est-à-dire que à un moment l'assimilation, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est ni blanc ni noir, que des gris pousseur de caddie. Parce que c'est ça, en fait. Ce qu'on veut, c'est ça. Ce que le système veut. Et c'est pour ça qu'un de nos slogans, c'est aussi immigration arme du capital. Parce que c'est aussi comme ça qu'on voit l'immigration aujourd'hui. C'est-à-dire que consumérisme, mondialisme, etc. Mais cela étant, ça ne nous empêche pas de pouvoir échanger avec un certain nombre de gens qui même d'ailleurs ne sont pas européens. Sur Méridien Zéro, il y a peu, avec le camarade Maurice Gendre, nous avons reçu Patrice Mbeko. On a énormément échangé avec lui. En face de moi, j'avais un... Parce que chacun est dans sa culture, chacun est sûr de sa culture, de son socle. Vous seriez un peu dans une logique comme Kémy Séba, par exemple. C'est-à-dire que on peut se retrouver avec des gens comme Kémy Séba sur le fait, ce que disait Wilsdorf à l'instant d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, vous prenez conscience de votre identité propre. Alors Kémy Séba, il n'est pas européen. À un moment, il s'est retrouvé en Europe, il dit je ne suis pas européen, je suis africain, donc ma place, elle est où? Ma place, elle est en Afrique. Et là, on rejoint effectivement ce que pense Bernard Lugan, etc., bien sûr. Parce que je pense qu'il y a une vraie responsabilité par rapport à ça, parce que aujourd'hui, alors on va pas employer des mots de race, parce que ça aujourd'hui c'est galvaudé, c'est quasi, on n'a plus le droit d'en parler, mais c'est même pas ça en fait. Moi je vois ça véritablement comme une nécessité, déjà pour lutter contre l'oligarchie, contre le mondialisme, c'est affronter véritablement pour revendiquer ce que nous sommes, pour ne pas tomber dans cette logique assimilationniste qui fait de nous des pousseurs de caddie avant tout. Nous avons une conscience, et cette conscience, nous, au MAS, elle s'exprime politiquement par cette affirmation-là, quoi, tout simplement. Puis cette logique assimilationniste qui mène aussi au métissage, et on sait souvent que, contrairement à ce qui est souvent dit, l'assemblage de deux cultures, c'est jamais 1 plus 1, c'est 1 moins 1, c'est égal à 0, et on voit des gens aujourd'hui en France... notamment sur les questions d'insécurité, qui sont complètement déstructurées parce que la question identitaire que tout un chacun règle quand il a entre 3 et 6 ans, c'est-à-dire, comme vous disiez, je suis breton, je suis français, je suis européen, cette question n'est jamais réglée, parce qu'à la fois on leur dit qu'ils sont français, puis en même temps il y a tout un discours hypocrite autour, et cette question identitaire crée des individus déstructurés. Alors par ailleurs, la question identitaire, bien qu'elle soit interdite, va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Absolument. On le voit de plus en plus à droite, mais également à gauche, où on va nous inventer une identité, enfin, on va ressortir cette identité républicaine de l'égalité, de la liberté, et ainsi de suite, qui est en fait la négation de l'identité. Qu'est-ce que le MAS, Méridien Zéro, peuvent apporter sur cette question qui va être centrale dans les deux années à venir, dans le débat public en France. Je crois que ce que MAS peut apporter, c'est déjà une vision pour le moins atypique, en tout cas divergente par rapport à la doxa générale au niveau de la pensée politique, dans les mouvements alternatifs notamment, parce qu'aujourd'hui, la question de l'identité... Alors c'est très très bien d'avoir l'identité républicaine, on est dans une logique totalement franc-maçonne aussi, et on en revient, on parle d'identité, mais en fait c'est une logique purement universaliste. Donc nous, c'est quelque chose contre lequel on se bat et on s'inscrit clairement en faux. Non, le problème de l'identité, de la même manière que nous aujourd'hui, on stigmatise pas, et ça c'est vraiment insupportable, c'est que dans nos milieux, comme on dit, dans les milieux nationalistes, au sens large, comme on dit aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est la faute des Arabes, c'est la faute de... Enfin, machin a voilà, attaqué... C'est un peu plus compliqué que ça. On a volé le sac à main, donc ça justifie tout et rien, et voilà. Donc le vote épidermique, c'est aussi un danger. Nous, c'est pour ça qu'on a Méridien Zéro aussi essaye de donner... C'est important d'apporter à nos auditeurs des grilles voilà. De lecture et d'analyse. Alors moi, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce que peut, pour répondre à votre question, Xavier, ce que peut apporter Méridien Zéro, en tous les cas, ce sont des cartouches intellectuelles. Parce que Méridien Zéro, c'est 2 heures par semaine de débat. De formation, d'information idéologique, politique, culturelle, historique, etc. Et bon, en venant là tout à l'heure, je voyais la une de Marianne sur un panneau publicitaire et qui dit grosso modo, est-ce qu'on peut encore débattre en France ? Bah, ça c'est une vraie question. Et je pense que en tous les cas, on peut débattre en France, oui, au sein des médias alternatifs comme le vôtre. Comme le nôtre, comme sur un certain nombre de blogs, de sites, d'émissions télévisées, etc. Et après, bon, pour tout ce qui est de du grand média et de la politique en général. Non, c'est quand même... ils sont tous plus ou moins d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le clivage, il est plus droite-gauche, machin, etc. Il est système-anti-système. Ce qui fait que dans l'anti-système, ça va de égalité-réconciliation avec Dieu donné à côté. Et puis, ça va jusqu'à l'anti-système, droite un peu plus réac, souverainiste, machin, etc. Parce que aujourd'hui, où on a envie de pousser un caddie, et d'être assimilé à tout un tas de choses d'ailleurs, ou bien on a envie de vivre dans une société quelque peu différente. Et là, dans ces cas-là, bah, effectivement, on est debout au milieu des ruines et on se pose en combattant politique. Et l'idée, c'est d'être formé intellectuellement. Et pour ça, eh bien, Méridien Zéro comme RFM. Mais alors, pour rebondir sur ce que dit Gérard, bing, et donc... Non, normalement, je fais ch'tang. Voilà, donc c'est qu'en fait, certaines de nos émissions, certaines sont des émissions de débat, d'autres sont des émissions à caractère plus de formation, notamment nos panneaux actus qui ont vocation, et on le ressent, on a un auditorat qui est très jeune. On n'a pas parlé d'écoute, mais en gros, Méridien Zéro... C'est un espoir. Voilà. Non, mais c'est important. C'est vrai. Parce que quand on voit la faillite du système éducatif, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande par rapport à ça pour sortir la jeunesse lobotomisée, arriver à lui donner une grille de lecture et des outils pour analyser la société dans laquelle elle vit. Nous, nos panoramas actus sont là pour ça. Et dans nos panoramas actus, il n'y a pas que des militants du MAS. On va retrouver des gens qui sont de sensibilité chrétienne, catholique, on va retrouver des gens qui viennent de milieux plus traditionnels, de la droite traditionnelle, et puis des gens qui sont de chez nous, très clairement. Mais ça, c'est vraiment très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai défi, il est là. Alors, par rapport à votre question, par rapport au fait de parler des prochaines échéances électorales, honnêtement, nous, personnellement, on n'en a pas grand-chose à foutre, pour parler clair, parce qu'on n'est pas concerné par ces choses-là. Un rôle métapolitique pour dépiéger tous ces mots du débat identitaire qui sont aujourd'hui tous connotés. On voit ce qui arrive à Nadine Morano qui cite De Gaulle, et encore elle cite De Gaulle en améliorant la citation pour la rendre adaptée à l'époque et ainsi de suite. Pas bien parce qu'elle l'avait lu rapidement et puis elle s'en souvenait plus trop. Et puis il faut faire aussi, je pense, très attention, c'est que là aussi, et encore, je cite dans nos milieux au sens large, aujourd'hui cette récupération, notamment, on n'a pas évoqué, mais au sujet de l'islamisme, est dangereuse. Parce que c'est pour ça que nous, notre travail, il est vraiment culturel et civilisationnel. En ça, vous vous différenciez clairement du bloc identitaire. Absolument. Ou de génération identitaire. C'est-à-dire que quand vous lutte pour la civilisation européenne ne va pas de pair avec lutte contre l'islamisme. Non, parce que je pense que l'islamisme, en fait, c'est un faux problème. C'est un problème à part entière, mais c'est de la manière dont il nous est présenté, c'est un faux problème. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on sait qui est derrière la manipulation. Donc aujourd'hui, être contre l'islamisme, on sait très bien de qui on parle derrière. Mais stigmatiser et aujourd'hui, récupérer les peurs, les angoisses et les machins autour de ce truc-là, c'est Enfin, c'est pas construire sur du positif. Exactement. Et il y a un vrai problème. Mais on n'est pas dans le rationnel. Et nous, ce qu'on propose au-delà de ça, c'est une autre interprétation des choses. Disons qu'on est sur un autre créneau, tout simplement. Donc ça, voilà. Ce serait ce qui nous rapproche. Oui. Oui, je pense, oui, clairement. Voilà. C'est pour ça que nous recevons avec plaisir, et nous recevrons encore avec plaisir, des auteurs qui sont édités chez Contre-Culture, que nous avons reçus, Julien, deux, trois fois, je crois, et que y a, je pense que cette dissidence-là, au sens là aussi large, hein, si on n'est pas capable de partager et de mettre en commun ce qui nous rapproche, je pense que, enfin, je veux dire, si c'est pour faire des radios chacun dans sa cave, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est être debout au milieu des ruines. Et ça, c'est parce que, voilà, il y a une logique de combat à venir, il y a une logique, parce qu'il y a aussi cette logique de, même si on n'est pas des démocrates, on va pas se présenter des candidats aux élections, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'on assume la finalité de notre engagement politique. D'ailleurs, en parlant de ruines, il me semble que vous avez eu quelques problèmes dernièrement. Oh, non, non, bon. ça remonte à quelques temps, mais effectivement, il y a ça va faire quoi? Un petit peu plus d'un an et demi. Le studio a brûlé. on va la faire courte. Effectivement, alors, ça faisait suite à tout un tas d'attaques, notamment celle de la librairie d'Emmanuel Ratier. Facta. Librairie Facta, 4 rue de Clichy, à Paris. Qui avait subi les assauts de, comme dirait Emmanuel, de nervis de l'extrême gauche. Et toujours est-il que voilà, bon, nous on a subi aussi un assaut. Voilà, donc il semble qu'ils aient volé du matériel en même temps. Alors oui, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que pour faire simple, on a perdu un peu de matériel et puis après tout le reste a brûlé. Voilà. Alors vous êtes dans une logique absolument pacifiste, je crois que c'est le moment de le préciser. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que foncièrement, nous ne sommes pas des belliqueux, c'est-à-dire que c'est pas une organisation paramilitaire. Nous n'avons pas envie d'aller dessouder la terre entière. La preuve, sinon on s'emmerderait pas. Là, je suis un petit peu grossier, mais c'est la vérité. On s'emmerderait pas à avoir une radio, à faire 250 émissions, dont une par semaine. Vous voyez, donc ça fait quelque temps que ça dure, depuis 2010. Et à promouvoir le débat d'idées. Voilà, point barre. Mais j'ai envie de dire que finalement, c'est toujours assez drôle, mais ce sont toujours les mêmes qui revendiquent le combat contre les vilains pas beaux et qui utilisent des méthodes et des manières de vilains pas beaux, en fait. C'est ça. Donc c'est toujours assez drôle, quoi. C'est quand on lutte pour la liberté en interdisant des gens de s'exprimer. Donc voilà, c'est comme on est pour la culture et on brûle les bouquins des autres, quoi. C'est aussi ce qui nous rapproche. Je crois que Vincent a été récemment aux prises avec certains militants prétendument antifascistes dans une manifestation intersyndicale, c'est ça? Oui, alors c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Si, absolument, ouais. Elle est sur Égalité et Réconciliation. Alors moi, je me suis rendu à une intersyndicale jeudi dernier, ERTV, parce qu'en fait, ERFM est la petite sœur de ERTV. Et donc, avec les équipes de ERTV, on s'est rendu à cette manifestation intersyndicale. Bon, j'ai pu constater plusieurs choses, hein. Alors, est-ce qu'il y avait des travailleurs européens déjà? Alors déjà, il faut savoir. Il y avait des Européens, mais ils n'étaient peut-être pas travailleurs. Non, ce qui m'a beaucoup étonné, honnêtement, c'est le contingent de travailleurs sans papier utilisé par les organisations syndicales pour grossir les manifestations. Et assistés sociaux, hein, parce qu'il n'y a pas que des travailleurs. Alors, je fais juste un petit parallèle, mais typiquement c'est ça, c'est le choix de Terra Nova, du Parti Socialiste, etc., il y a quelques années, de reporter finalement l'axe politique ou idéologique en vue de grossir ses rangs, parce qu'on perd aujourd'hui, enfin, ils perdaient les travailleurs, les ouvriers européens, machin, etc., français de souche, vous les appelez comme vous voulez, mais qui se reportaient sur le Front National, etc., et donc à un moment, Parti Socialiste comme organisation syndicale, que décide-t-on? On décide que, comme les camarades du MEDEF font venir les immigrés, dumping social, machin, etc., à un moment, on va utiliser ce prolétariat, ce bas prolétariat, pour venir grossir nos organisations syndicales, et sont nos nouveaux clients, et on les utilise gentiment et en avant la musique. Et là, on se retrouve avec, chez, c'était quoi là, c'était une action du bloc identitaire que j'avais trouvé plutôt sympa d'ailleurs, c'était il y a quelques années, c'était d'aller foutre le bordel chez Papa, fameux restaurant du Sud-Ouest, où en fait, il y avait, les cuisines étaient pleines de sans-papiers, quoi, de travailleurs sans-papiers, des gens qui viennent ici parce qu'on leur a promis l'Eldorado, qui se font bouffer par le système, qui sont payés à coups de tric. Pendant ce temps-là, ça met au chômage d'autres, des deux souches, entre guillemets, et on se retrouve avec un patron qui continue de s'engraisser, parce qu'en fait, c'est ça le... Bien sûr. Donc ils sont dans une contradiction énorme. C'est ça. Par ailleurs, bien sûr, on a la masse de gens qui, pour certains, ne savent même pas pourquoi ils sont là. D'autres ne comprennent pas les enjeux fondamentaux, puisqu'en réalité, moi, je leur posais des questions. Bon, je vais pas dire que j'essayais de les piéger, mais en fait, je leur pose une question de bon sens, c'est-à-dire l'Union européenne dans tout ça, quoi. Ce qu'ils comprennent, qu'en réalité, les lois qui sont appliquées actuellement, les lois Macron, les lois qui cassent les acquis sociaux en France, sont issues de directives européennes et d'une c'est idéologie ça. Qui est insufflée par l'Union européenne. Et en fait, les gens ne font pas le lien entre l'Union européenne et la réduction des acquis sociaux. Donc, ils manifestent. Sans désigner les vrais commanditaires de ce qui leur arrive. C'est ça. Il y a un commentaire qui revient souvent, c'est est-ce qu'on manipule par le montage le propos des gens ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, il y a des gens qui sont pas conscients des enjeux et qu'on ne montrerait pas dans nos vidéos ? Alors là, c'est, je le dis clairement, on a fait 20 interviews, on en montre 13 dans le petit reportage qu'on a fait. Et sur les 20 interviews, une seule personne a été capable de faire des connexions à peu près cohérentes. Mmh. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, d'exagération par le montage. Première chose. Deuxième chose, on voit qu'à un moment donné, en fait, je me fais un peu, je dirais pas agresser, c'est pas le mot. Quelque peu malmené. Quand même. En réalité, il me traite de facho, et on se fait un peu bousculer avec ma camarade. Oui, Xavier ? Ce serait des types du Front National et journalistes seraient de Canal+, je peux te dire que ce serait déjà en une de toute la presse. Évidemment. Depuis 10 jours. Hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, le fameux coup de parapluie de l'ami Gollnisch sur le petit journal, c'était un grand moment quand même ça. Bien sûr, alors vous avez vu peut-être le reportage d'Envoyé Spécial sur peut-on porter une kippa aujourd'hui en France ? Vous l'avez vu ? Non, j'ai juste vu un court moment. Voilà, parce qu'en fait, en réalité, le journaliste se promène, je sais pas, 40 heures dans les rues de Paris et démontre. Il fait ça en lien avec ce qu'avait fait par ailleurs un juif qui était venu ici et qui avait fait ça. Et il y avait une vidéo sur YouTube qui était sortie où on voyait des gens plus ou moins l'insulter, etc. C'est un enregistrement de 10 heures et il y avait un type qui ricanait à un moment donné. Voilà. Déjà, dans la vidéo, il y avait rien. C'est insignifiant, mais ça avait été vu des millions de fois, etc. Il utilise cette vidéo pour dire qu'on ne peut plus se promener avec une kippa dans Paris. Et en fait, ce journaliste donc fait le test à Paris et il lui arrive rien. Voire même le contraire, en fait, il a plutôt rencontré des marques de sympathie. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, les agressions antisémites sont, comment on pourrait dire, Xavier, extrêmement marginales. Alors, par contre, c'est intéressant, là, je rebondis juste ça, parce que sur la notion d'agression antisémite, et en fait, derrière, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait des chiffres. Je crois que le court extrait que j'ai vu de cette émission, à un moment, il parle de, je ne sais plus, il utilise un... Ça doit être 40% des actes racistes sont antisémites, ou quelque chose comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez ça brut de pomme, c'est quoi ? Il y en a presque un sur deux où, en fait, ça c'est de l'antisémitisme, quoi. Oui, ok, d'accord, très bien. 65 millions de personnes, on va replacer tout ça dans le débat, enfin, dans le contexte, 65 millions de personnes, 43%, mais 43% de quoi ? De combien ? Mais les chiffres sont fournis par le service de protection de la communauté juive, qui est une non mais qui même, est le bras l'officine de sécurité du ce que je veux dire on a publié un article sur égalité et réconciliation, je sais pas si vous avez vu le top 10 des fausses agressions antisémites, et en fait c'est plus qu'un top 10 puisqu'on démontre comment ces chiffres là sont faits, et en fait c'est une véritable psychose qui est entretenue. Or l'antisémitisme, moi j'ai pour faire une confidence, j'ai déjà fait ce test de j'habite dans le 20e arrondissement, de partir du 20e arrondissement pour aller dans le 93 chez un ami à Bobigny avec une kippa sur la tête. Il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. Alors, cela étant, il peut se passer quelque chose, machin, etc. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que foncièrement... il peut se passer quelque chose avec tout le monde. Voilà. Exactement. Alors, comme tout un chacun. Et en plus, derrière, moi, ce qui m'intéresse, sont les chiffres. Parce que 43% des agressions sont, d'accord, ok, 65 millions, 365 jours par an. Combien d'agressions ? Si j'en ai 5, effectivement, quand j'en ai 2, ça fait 43% des agressions. Il n'empêche que 5 sur 365 jours et 65 millions de personnes... permet de relativiser un certain nombre de choses. Alors, qu'aller à une manifestation intersyndicale en disant que vous êtes d'égalité et réconciliation ou de méridien zéro, vous avez 100% de chance c'est vous faire agresser physiquement. Parce qu'en fait, ils vous bousculent, ils vous disent sortez de là. C'est ça. Mais c'est parce que c'est au nom de la liberté, cher monsieur. Voilà, donc on revient sur la question. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est ça. Exactement. Mais bon, là aussi, on est dans la manipulation. Maintenant, bon, c'est vrai qu'AER, vous avez cette volonté de dénoncer toutes ces choses-là. Nous, on n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais les choses s'imposent d'elles-mêmes, quoi. C'est aussi pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de grille de lecture et d'outils pour les plus jeunes au niveau de l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société où la jeunesse est complètement, comment dirais-je, connectée, hyper connectée, comme on dit, le gars qui regarde YouTube à longueur de journée ou qui est sur Facebook et qui se laisse intoxiquer par ce genre de choses, on voit le résultat que ça peut avoir. Donc c'est là où nous avons notre responsabilité d'aller contre ça et de pouvoir proposer autre chose. Ça, c'est véritablement fondamental, quoi. C'est refuser. On en revient aussi aujourd'hui, on peut parler de militantisme aujourd'hui. On préfère avoir quelques militants bien formés plutôt qu'une masse informe et gluante qui en fait se fait plaisir et met des likes sur Facebook en ayant l'impression d'être de véritables révolutionnaires. Parce que ça aussi, ça nous gangrène, ça nous bouffe et ça nous ronge. Parce que il y a un décalage. C'est une reproduction des réflexes de consommation. Exactement. Et là aussi, on est dans une logique masturbatoire où le type est complètement manipulé, d'une certaine façon, alors qu'il se revendique, vous voyez, c'est comme ces gars de gauche qui, en fait, ces types-là ont complètement perdu leur socle de pensée, leur socle politique. Et c'est en ça, et on voit avec un gars typiquement comme Besancenot, qui font complètement jeu du système. Ce sont la caution du système, quelque part. Et ça, donc nous, vous comme nous, on a cette responsabilité-là, aller contre ça. Et à lutter. C'est aujourd'hui, j'ai discuté récemment avec Roger Olyndre, qui est un des cadres fondateurs du Front National, qui me disait, mais au début des années 70, je passais un coup de fil, en une heure j'arrivais à trouver 10 à 15 gars pour faire une manif, un tractage, un truc. Aujourd'hui, je mets au défi, dans nos milieux, qui que ce soit, en une heure d'arriver à trouver deux types, quoi. Alors peut-être pas, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, d'où le problème de pouvoir éduquer, rééduquer, enfin rééduquer, le terme n'est peut-être pas bien choisi. Pas bien rééduquer. Mais parce qu'aujourd'hui, les types, ils ont tous des téléphones, ils ont tous des connexions, ils ont tous des tablettes, enfin machin, et tout. Et en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus du mal à communiquer réellement, quoi. On fait on est dans une logique totalement virtuelle. Hyper communication. Et hein. Philippe de Villiers en appelait récemment une génération de dissidents qui allait se lever. Est-ce que vous la voyez poindre, ou est-ce que pour vous c'est un vœu pieux et c'est encore très embryonnaire? Moi je pense que c'est encore très embryonnaire. Je pense que la manif pour tous était pas dire un feu de paille, mais il y a eu une récupération politique. Aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que dans nos sociétés où il y a une logique de consommation et de loisirs qui est devenue presque l'attachement principal de chacun, on veut bien se donner la peine d'aller dans les rues et de descendre, de pouvoir revendiquer sur certains acquis, mais au-delà de ça, personne ne va remettre en cause ni son confort, ni sa qualité de vie. Et tant qu'on n'arrivera pas à y passer... Peut-être que le problème migratoire va peut-être être un élément déclencheur de tout ça, mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces gens qui sont descendus dans la rue, ils peuvent être 1 million, mais ils sont tous rentrés, et puis ils voteront tous Sarkozy, machin, au bout du compte, quoi. Malheureusement. C'est mon analyse. Oui, je partage. Alors justement, par rapport à la jeunesse, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Alors, comme on le disait tout à l'heure, le gros socle de nos auditeurs sont des jeunes. Des jeunes, si aujourd'hui la jeunesse n'est pas capable de prendre en main son destin, c'est véritablement dramatique. Et nous, on est tous des bénévoles, des militants, on bosse pour ça. On travaille pour ça. C'est-à-dire qu'on a tous des vies de famille, ainsi de suite et tout. Et on est là, ça fait 250 émissions. Donc ça fait quasiment, on va attaquer la 6e année de Méridien Zéro. Voilà, on bosse pas dans le vide. Le but, c'est que derrière, il y ait une prise de conscience. Nous, à notre niveau, de pouvoir donner des outils, je le répète encore, à cette jeunesse, de pouvoir s'arracher aussi de cette logique de confort, cette logique du progrès, qui nuit aussi, on n'en a pas parlé de ça, mais le progrès aujourd'hui c'est un véritable danger. Je pense que là-dessus aussi on se rejoint avec Égalité et Réconciliation, on avait fait une émission passionnante avec Nicolas Fabre, ce retour à la terre, ce principe du réenracinement, voilà, je pense qu'aujourd'hui l'avenir il n'est pas dans les villes, il est dans les campagnes et dans les régions, et c'est ça aussi, c'est se réapproprier sa culture, et je pense que la jeunesse est un vecteur, et aujourd'hui, si le type est capable de prendre conscience, et là aussi je reviens, peut-être que le problème migratoire sera peut-être un des vecteurs déclenchants, sera capable de sentir qu'il peut s'arracher de son iPhone, de son truc et de son bidule, pour pouvoir justement redevenir un militant à part entière qui est prêt à s'engager, c'est la responsabilité de Médias comme Méridien Zéro. Et je dirais que voir ERFM et d'autres, Orage d'Acier que nous relayons et tout, si, tous ces médias, toutes ces choses qui se mettent en ligne, qui font partie de cette espèce de nébuleuse qu'on appelle la dissidence aujourd'hui, c'est bien, c'est nécessaire. Et si Méridien Zéro, à ce niveau-là, a pu être, je dirais, un modèle ou un exemple, entre guillemets, tant mieux. C'est aussi pour ça qu'on bosse, quoi, Gérard. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec La jeunesse au pouvoir, l'ouvrage évoqué et qui est en vente chez Contre-Culture. Mais ce texte, moi, m'avait pleinement interpellé parce qu'effectivement, c'était un véritable appel, un appel à la jeunesse. Donc un appel derrière à la réaction, dans le bon sens du terme, hein, on s'entend. Le fait d'agir, d'être acteur, et effectivement, nous, comme d'autres, à Méridien Zéro, l'objectif, c'est de, ce que je disais aussi tout à l'heure, de donner la possibilité à certains d'analyser de manière différente, de s'armer intellectuellement, grille d'analyse, cartouche intellectuelle, etc. Et de s'arracher à cette logique de dormition dans laquelle l'Europe est rentrée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'était une thématique qui était chère à Dominique Vénère et que nous reprenons volontiers parce qu'on est vraiment dans cette logique de dormition. Et ça, il faut véritablement lutter contre. Et c'est une question de survie, tout simplement. Messieurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver chaque semaine sur méridien0.com, donc méridien-0.com. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Juste pour préciser, les émissions donc, sont disponibles en podcast sur notre site, donc diffusées, mais également je voulais signaler aussi le travail, l'excellent travail que fait le camarade Alain sur Québeca Liberata, puisque nos émissions sont relayées aussi par un média québécois. D'accord. Et voilà, c'est important de le citer parce qu'il fait un gros boulot aussi et nous le remercions. Voilà. Nous vous remercions également pour le gros boulot que vous faites. Merci. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Xavier, nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission spéciale Suisse. Nous aurons comme invités Alain Soral, Pascal Mancini, Joseph Navratil et Ali Moudine Ousmani. Xavier, merci beaucoup. À toi aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Et chers auditeurs, nous nous quittons en musique sur les notes du groupe Mino Cerbès, disponible sur le site Contre-Culture. Merci à vous et à la semaine prochaine.